Alors, quelles sont les différences que vous remarquez entre notre siècle et le XVIIIe siècle? Aujourd'hui, on s'éclaire à l'électricité. Avant, on s'éclairait avec des bougies. On se chauffe avec des radiateurs. On se chauffait avec une cheminée. On voyage en voiture. Avant, on voyageait à cheval. Les femmes portent des robes courtes. Elles portaient des robes longues. Oui, et à cette époque-là, les enfants n'allaient pas à l'école.